إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فبعد ما كملنا درسنا الأسبوعي في القواعد الفقهية للإمام السعدي رحمه الله تعالى من ذاك اليوم سندخل في درس جديد كتاب جديد في شيء يتعلق بما قد سبق وهو كتاب الأصول من علم الأصول والليف ذو الشيعة والثيمين رحمه الله تعالى qui s'appelle الأصول من علم الأصول c'est-à-dire les bases dans علم أصول الفقه هنا dans ce درس on va pas également s'élargir يعني القصد وشرح وجيز من ألفاظ وعبارات المؤلف se contenter du متن du مؤلف à comprendre le sens et les termes pour pouvoir y en y connaître les stilahats dans ce même fakat. Ça va être un truc khafif, inshallah ta'ala. Et كذلك نتمنى أن يكون الدرس أكثر بما كنا فيه مع القواعد الفقهية. On va essayer de faire plus court. Car ce genre de ulum إذا طال الكلام في ملا المستمع ça cause de la lassitude quand c'est trop long et ça c'est le genre de science il faut ركز dessus donc on aimerait faire baban baban un ders pour chaque bab le livre en lui-même il est alhamdoulillah il est pas long et quelqu'un qui veut faire un tawassour dans le charh il peut aller très loin il peut te faire des shurouhat sur ce livre là puis t'en faire beaucoup لكن هذا مو قصدنا نو في نابروش تمام تقريب من هذا car cette science qui est usul al-fiqh c'est une science qui à la base est tirée du Coran et de la sunna et également beaucoup de al-lugha al-arabiyya la langue arabe wa rabi'an min al-aql de la raison Et c'est une science, comme le conseil chez Mokbil, tu prends ce dont tu as besoin sans trop t'élargir, car c'est un fun dans lequel des gens, beaucoup, se sont perdus. Ils ont fait trop, plus qu'il n'en faut, et ils sont dans le rythme du kalem, et dans trop de logique, trop de raison, et un tas de kalem pour pas beaucoup de faïda. Même Charles Femini le dit, des fois il y a des masselles dans ce rythme-là, beaucoup, beaucoup de kalem de khilaf pour pas beaucoup de faïda. Et ça, c'est une science. Yani, le but, c'est d'en sortir des arkem, comprendre des adillah, comme on va l'expliquer. Et ces adillah, ils sont en arabe. Donc ça, c'est le genre de ulum. Il n'y a pas de faïda, en réalité, à le faire en français. Si ce n'est de prendre certains termes, comme dans le mustalah. C'est des sciences qui se font en arabe. Ou comme dans la science, مثلاً, asma wa sifat. C'est des ulum, à la base, c'est en arabe qu'elles se font. Nous, ce qu'on veut, c'est une approche. Comme ça, si demain, quelqu'un rentre dans ce bab-là, il connaîtra déjà le terme, le sens de certains termes. Que veut dire. Aussi demain il entend en audio tel terme, il sait ce qu'il veut dire. Maintenant l'explication, les shurut, les taqiyadat, tout ça, les khilafat, ça là, c'est en arabe. Demain on va sortir un hadith en français, les règles de usul al-fiqh ne vont pas forcément apparaître dedans. Ça c'est des choses pour les arabophones. Mais l'abbas, min bab al-taqrib, fakat, à me traduire ce genre de livre et tout, ça c'est pas une chose qui est moufide. Ça sert à rien. Ça sert à rien. طيب. Donc ce ilm là il est muhim. D'accord, il est muhim. Faut pas le négliger. Et principalement ceux qui ont apporté le plus d'importance à ce ilm à cette heure, la plupart d'entre eux sont pas des gens de la sunna. Beaucoup c'est des hizbiyyin. Comme la langue arabe d'ailleurs, kazalik la langue arabe, la plupart des a'imma dans ce fun dans la langue arabe, la plupart c'est pas des gens de la sunna. et sur l'imam kazalik. Je parle là, en cette époque contemporaine, par rapport au Rasoul al-Fiqh, comme à l'oral al-Arabiya, Adam in Zaman. Adam in Zaman. Mais c'est des ulum, on en a besoin. Adam in al-ulum al-A'la. Les sciences qui sont des instruments pour parvenir à al-ilm al-Ghaya, qui est l'objectif à atteindre. طيب فقال المؤلف رحمه الله تعالى أصول الفقه تعريفه أصول الفقه يعرف باعتبارين que sa définition est basée sur deux choses الأول باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمات أصول وكلمات فقه. Donc en premier lieu, on explique ce terme par les deux mots qui le composent, qui sont le mot usul et le mot fiqh, à part. Faqal, fal usul jam asl, wa huwa ma yubna alayhi ghayruhu. Wa min dhalika asl al-jidar, wa huwa asasuhu, wa asl al-shajarati alladhi yatafarra' minhu a'dhanuha. Qala Allah 'azza wa jalla: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء. Donc en premier lieu, usul. Usul, c'est le pluriel de asl. Et qui est la chose sur laquelle, là il parle lughatan. La chose sur laquelle on bâtit autre chose, c'est-à-dire un fondement, une fondation. Ça peut être aussi une origine. Comme par exemple la base d'un mur. Ou également le tronc de l'arbre à partir duquel viennent les branches. En citant le verset que Allah dit dans le sens où il dit: as-tu vu comme Allah a donné l'exemple d'une bonne parole comme l'exemple d'un bon arbre dont les racines sont ancrées et dont les branches atteignent les cieux. Et il a dit kalimat tayyiba hiya kalimat at-tawhid. Donc ça c'est le mana de asl. والفقه لغه الفهم ومنه قول الله تعالى وحلل عقده من لساني يفقه قولي. Donc le fiqh لغه, au point de vue linguistique, c'est la compréhension, d'où la parole d'Allah dans le sens où il dit, quand Moussa il a dit lorsqu'il était envoyé à Pharaon, et défait le nœud de ma langue afin qu'il comprenne ma parole, yafqahu qawli. Car il a été dit de Moussa alayhi salam, hal thabat ma adri, que il avait du mal à s'exprimer. Ça veut dire, soit il avait, dans certains israéliates, qu'il avait, c'était brûlé la langue petit, donc il avait du mal à prononcer, et d'autres disaient qu'il n'était pas très éloquent, comme le saurait par exemple son frère Haroun. Dans un verset, c'est venu, ou afsahu minni, que Haroun était plus éloquent dans le kalam. Et elle fiqh. La différence qu'il peut avoir par rapport au fahm, Cheikh Fath al-Qadassi, hafizallahu ta'ala, il avait expliqué, al-fiqh, c'est une compréhension qui t'est utile, par laquelle tu profites. Car des fois, des gens, ils profitent de choses, plutôt, ils comprennent des choses, ils n'en profitent pas, ils n'en tirent pas profit. Quelqu'un va dire, ça, j'ai compris, non, mais est-ce que par la suite, il en tire profit? Non. Al-fiqh, ou al-fahm, ma'a al-intifa'a bih. لهم قلوب لا يفقهون بها. Ils ont des cœurs, d'accord, mais ils ne comprennent pas par ces cœurs. C'est-à-dire la raison est dans les قلوب. Tu as un cœur qui te permet de comprendre les choses, mais tu n'es pas arrivé au résultat voulu, attendu de toi. Donc, ma فقهت. Tu n'as pas été élevé par cette compréhension que tu as eue. هذا من الفروق بينهما. وقال واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلة التفصيلية. Donc là il parle du fiqh. On l'avait pris ça dans le ders précédent, que c'est le fait de connaître les règles légiférées relatives aux actes avec ses preuves précises et détaillées. Avec ses preuves précises, c'est ça le fiqh. Donc maintenant il va expliquer mot par rapport au fiqh les termes employés dans cette définition. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن لأن الإدراك لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من المسائل أو من مسائل الفقه. Qu'est-ce qu'on veut dire par ma'arifa? C'est-à-dire la connaissance, c'est la science et également, on va dire, la pensée, l'opinion, l'avis que tu peux avoir sur une chose. C'est-à-dire je pense telle chose, je pense que c'est cela. Car le fait de cerner justement ces règles de fiqh, ça peut être par la certitude avec un dalil qui est qatir, qui est extrêmement convaincant, qui est clair. Et ça peut être également un avis que tu aurais sur un dalil qui lui, il y a des hypothèses, d'autres hypothèses, éventualités qui peuvent en être déduites. C'est-à-dire ce dalil peut t'emmener à tel résultat, mais tu dis également, on peut, de ce hadith, penser telle et telle chose également. Et t'as des hadiths, ou des adillah plutôt, pas que hadith, même ayat, qui sont clairs, wadih, qui n'ont pas d'interprétation. C'est-à-dire c'est une seule voix. Ça va venir, inshallah. Ce qu'on appelle un os. Ça veut dire que tu as un dalil, il est clair. Il n'y a pas d'autre éventualité. Donc ça, c'est ça qui veut dire par ma'arifa dans le ta'arif. Et le murad bikoulina al-ahkam al-shar'iyya est l'ahkam al-murtaqa min al-shara' quel wujub wa al-tahrim fa kharaja bihi al-ahkam al-aqliyya ka ma'arifat anna al-kul akbar min al-juz wa alaykum salam wa al-ahkam al-da'adiyya ka ma'arifat nuzul al-tul fi laylat al-shatiyati dhikana al-jaw sahwan. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là, par l'ahkam al-shar'iyya dans la définition? Il veut dire les règles prises de la législation, comme le fait, mathalène, de connaître une chose qui est obligatoire, une chose qui est illicite. Donc cela exclut quoi? Ça exclut les règles, mathalène, de la raison, tirées de la raison. Comme par hasard, savoir que, l'exemple qu'il donne lui, le shir, que une totalité est plus grande qu'une partialité. Là, c'est un truc qui est basé sur la raison, sur la logique. Lui, c'est pas ça qu'il veut. Comme il dit, l'ahkam et shal'iyya, ça exclut tout ce qui est logique et tout ce qui est, mathalène, les choses basées sur le, comment on dirait cela, tirer de l'ordinaire. Comme par exemple, savoir que, il dit, connaître que la rosée descend au matin d'une nuit d'hiver, mathalène. Ça, c'est des règles qui sont liées à, on va dire, à la physique. Voilà, la physique. Hein, que tu, par exemple, tu mélanges tel produit avec tel produit, ça donne tel résultat. Lui dit, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut ahkam shar'iyya, les choses tirées de la législation. ثم قال والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كالتوحيد كمعرفة أسماء والصفات فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. Donc il dit العملية dans le tarif, ce qui est lié aux actes, c'est tout ce qui n'est pas lié aux croyances, aux dogmes. Comme par exemple, amalia, les choses liées à la salat, à la zakat. Donc là, lorsqu'on dit fiqh et on cite l'amalia, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on ne veut pas parler du tawhid. On ne veut pas parler de asma sifat, les choses liées au ghaib. Nous, on veut parler seulement dans le stylaire. Hein. On veut parler de là des rites, des règles relatives aux rites, des actes. Ça, c'est dans le stylaire du fiqh. Ah ben, en réalité, le fiqh, il englobe toute chose. Bel, el fiqh ou el akbaru ou el tawhid. C'est l'aqida. Mais quand les fuqaha, on te parle des fuqaha et de la science du fiqh, on lise par là ce qui est lié au rite, quand même, des règles des rites. Différencier entre le stylaire des fuqaha et ce qui est autre que cela. On ne dit pas un faqir, il ne connaît pas l'aqida. Non. On dit un faqir, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans les rites. Maintenant, un faqir mutlaqan, c'est une personne qui a une bonne compréhension dans la aqida et dans les rites, dans toutes choses. Et c'est quoi la preuve que le fiqh, à la base, il englobe toutes choses? Le hadith, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Man yulidillahu bihi khayran yufaqqihu fi din » Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Donc c'est la religion, ce n'est pas que le fiqh, c'est la religion dedans. Mais Aoula yatrul fihi tawhid. ثم قال والمراد بقولنا بالأدلة التفصيلية أي أدلة الفقه المكرونة بمسائل الفقه التفصيلية فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. Donc il dit le sens, ce qu'on veut nous par les règles précises et spécifiques détaillées à fond. بأدلة التفصيلية, c'est-à-dire les règles précises et détaillées. C'est-à-dire que les preuves du fiqh se basent là-dessus. Un call précis sur un fait précis. Donc par cela, qu'est-ce qu'on exclut justement au sous les fiqh qui lui vient avec, qui est relatif à une recherche dans des adillah globales et générales pour en tirer un jugement général. On l'a expliqué ça la dernière fois. Mathalen, dans le fiqh, on va te dire comment faire ta salat. Tu vas prendre Adillah, comment faire le takbir, comment rester al-Fatiha, comment faire le recours, comment se relever, que dire en se relevant, comment faire le sujoud, il est réalika. Tafsil, chaque chose, il y a un dalil qui te dit comment faire telle chose, et telle chose, et telle chose. Au sous le fiqh, ça va être Adillah général pour te dire c'est quoi le jugement de ta salat. Est-ce que ta salat, elle est batila ou sahiha? Les shurut, plus. فهمت؟ مثلا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة أكمل الصلاة أكمل سلا الصلاة. ça c'est un dalil de plus relatif au soul qui va te dire la salat c'est un ordre fais-la. ça c'est général. est-ce que ce verset te dit comment faire ta salat? tu ne sais pas comment faire ta salat. donc là pour savoir comment la faire tu as besoin de adillah tafsiliya précis spécifique détaillé et c'est ça le fiqh. tu comprends la différence? sous le fiqh va te dire la chose c'est quoi son jugement? est-ce qu'elle est valide? et le fiqh va te dire la chose, comment tu vas la faire? Adam il est furuq baynahuma. on avait pris ça au début de Al-Qawad al-Fiqhiyya. donc sous le fiqh c'est plus général, de règle générale. et Al-Fiqh c'est plus spécifique. et l'un est lié à l'autre. l'un est lié à l'autre. Donc là, c'est le premier irtibar qu'on a appris. Irtibar kadimat usul et irtibar kadimat fiqh. Tamam? Maintenant, il dit Amma thani bi irtibar koun lakounuhu lakaban ni hadal fan al mu'ayyen fa yugarraf bi annahu ilmu yubhathu an adillat al fiqh al ijmaliyya wa kayfiyat al istifadati minha wa hal al mustafid. Donc maintenant, la deuxième chose à prendre en considération, c'est le terme usul al-fiqh ensemble. Tayyib, qui est le nom de ce domaine, de cette science en particulier. Donc là maintenant, comment on définit cette science qui est la science de usul al-fiqh? Il l'a dit, c'est la science par laquelle on cherche les adillah du fiqh général et global et le comment en tirer profit, comment les comprendre. Et également le hal du mustafid, c'est-à-dire du mujtahid, celui qui prend ses adillah et comment il va les comprendre et comment il va les appliquer. Donc le usul al-fiqh c'est plus basé sur des adillah ijmaliya, adillah ijmaliya, global et général. Donc là maintenant expliquer qu'est-ce qu'il va vous dire par là dans ce ta'lif. قال فالمراد بقولنا الاجماليه القواعد العامه مثل قولهم الامر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. Donc il a dit qu'est-ce qu'on veut dire par ijmaliya, global et général? On veut dire les règles générales. Comme par exemple le fait de dire que l'ordre implique l'obligation. Un verbe qui est un impératif, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est obligatoire. Que l'interdiction veut dire l'illicité. C'est illicite plutôt. C'est haram. Que la validité, elle implique que l'acte est devenu effectif. Et que tu appliques la chose. C'est-à-dire, on dit ça, c'est shurut siha dans l'acte, condition de validité de l'action. si elles sont remplies, c'est-à-dire que ton acte, il est applicable. Tu peux faire l'acte. Ou si tu l'as déjà fait, il est effectif. Tamam. Donc là, il dit en disant Al-Adila Ijmaliya, nous on exclut par là quoi? Les Adila Tafsiliya qui elles sont liées, relatives au fiqh, comme on l'a dit au début. Et il dit, des fois on donne des Adila Mufassala juste pour un exemple. Pour une qaïda. Nous on ne veut pas parler du dalil en lui-même, on veut juste sortir. Par exemple, il va dire Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Iza kumta ila salah مثلاً dans le hadith خليني أذكر dans le hadith de Moussi salatahu celui qui fait mal la salat dans le hadith d'Abu Huraira il dit sujoud مثلاً ou بعد le recours فارفع حتى تكون يعني سويا quand tu te relèves de ton recours relève-toi c'est ce que tu te deviens droit c'est-à-dire ton dos soit droit. Des fois les ulama vont te prendre ce hadith comme exemple. Eux leur but c'est pas de sortir dans le usul fiqh, c'est pas de parler du recours en soi, mais te dire par exemple dans ce hadith, il t'a dit farfa, c'est un ordre. C'est-à-dire que dans le recours, tu es obligé de te relever et de être droit. Donc c'est quoi le but? Que cela est un ordre qui dit que cet acte est obligatoire. Ils veulent pas voir le recours en soi ou le sujoud en soi, juste te faire comprendre que là c'est un ordre. Donc ce que tu vas faire c'est obligatoire derrière. Donc quand il te sort un exemple d'un hadith ou d'un verset sur un acte précis, il te le donne comme un exemple pour te montrer que cette règle-là, tu te montres que là c'est obligatoire, là c'est interdit, là c'est mustahab, là c'est makruh, c'est tout, c'est ça leur but. Pas de faire un munakasha autour du recours en lui-même, mais il te dit comment est-ce que le recours est obligatoire, car ce hadith dit que c'est un ordre. C'est ça qu'eux ils veulent par là. نعم ثم قال والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها أي معرفة كيف يستفيد سبتو يستفاد من الأحكام معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه وأحكامها. Donc il dit dans notre parole comment en profiter, en tirer profit, c'est-à-dire ces ahkam, on étudie ces termes, les termes on peut donner ahkam. Et qu'est-ce que ces termes impliquent? Comme par exemple certains termes ont un sens de généralité, d'autres ont un sens spécifique, comme cela va venir. Ou certains termes sont absolus, d'autres sont conditionnés, certains sont abrogeants. Les termes employés te démontrent cela. Donc toi tu apprends à regarder dans le dalil, les termes employés, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Alors même qu'est-ce qu'ils veulent dire par là les termes? C'est-à-dire tu t'arrêtes à chaque terme. Tel terme, tel terme, tel terme. Ça c'est un terme qui veut dire, là c'est une parole, elle est générale. D'autres termes vont te dire non, ça c'est une parole, elle est spécifique. D'autres termes vont te dire ça c'est une parole qui est absolue. D'autres vont dire non, c'est une parole qui a besoin d'être conditionnée. C'est-à-dire c'est à un moment particulier, c'est pas tout le temps. Et à casa. Donc toi tu vas l'apprendre dans ce fun-là. C'est-à-dire le dalil, tu l'analyses. Et tu sauras quoi en tirer comme jugement. مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. Donc il dit qu'est-ce qu'il veut dire par là dans le hal du mustafid, c'est-à-dire le hal, la situation de celui qui tire profit de ses règles, c'est-à-dire le mujtahid. C'est-à-dire lorsqu'il voit ces adillah, il fait un effort de compréhension de ces adillah pour savoir le jugement en tirer. Lui-même, il apprend. Donc celui qui veut être un mujtahid, c'est-à-dire de lui-même, il voit un hadith, il le comprend tout seul. Il a pris une ayah, il a compris tout seul. On ne dit pas tout le verset, mais si jamais il y a un jugement en tirer, une règle à en tirer, il va la tirer, il va la comprendre. Quelqu'un va te dire, par exemple, pourquoi telle chose est obligatoire. Il va te dire parce que dans tel verset, Allah dit subhanahu wa ta'ala kaza wa kaza wa kaza. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit kaza wa kaza. Donc ces termes-là impliquent l'obligation. Il a compris tout seul. Pourquoi? Parce qu'il a appris comment déduire des termes employés, du jugement à en tirer. C'est un mujtahid. Après des ijtihad, il y a des degrés. Par exemple, un talib al-ilm, des choses, il va tout seul, il pourra les déduire. D'autres choses, il ne pourra pas. Il aura besoin du alim qui lui explique. Après, le alim, celui qui vient moucher des mutlaq, c'est-à-dire lui, celui de lui-même. Et là, il va tirer beaucoup de règles. Et faire profiter aux autres. Après, les ulama, il y a tafadaloun. Les ulama, ils sont plus forts que d'autres. Ils ont un fiqh plus aigu et plus aiguisé que d'autres. Même t'as dit, ce n'est pas tout alim, t'as des ulama, ils profitent d'autres ulama toujours. Et t'as des ulama, ils sont à un stade très haut, on revient tout le temps à eux. Tout le temps, déjà chez les salafs, chez les sahaba, tu vas trouver la chèque, chez les aïmma d'après eux. Et après, dans chaque époque, t'as des ulama, abrazoum mirilihim. Certains ulama ont excellé plus que d'autres. C'est connu. Car leur niveau d'ijtihad était plus fort encore. Des fois, un alim peut avoir un doute sur une mas'ala. Il va regarder qu'est-ce qu'a dit, par exemple, l'imam Ahmed dans la mas'ala. Il va se dire, alhamdoulilah, j'ai compris comme lui. Il va se rassurer. Et il va dire, tiens, l'imam Ahmed a compris comme ça, et moi, j'ai pas compris comme ça. Donc, les mecs se remettent en question. Il va voir si d'autres personnes que l'imam Ahmed ont pensé comme lui. Il va dire, tiens, l'imam Shafi'i, il a dit comme ce que j'ai pensé moi. Alhamdoulilah, j'ai un salaf. J'ai quelqu'un qui a. C'est-à-dire, c'est pas une chose que j'ai inventée moi-même. Donc, il profite toujours des ulama. Toujours. Paul. Fa'idat usul al-fiqh. Donc maintenant, c'est quoi le profit en tiré? C'est quoi le profit de cette science? Inna usul al-fiqh, ilm jalil al-qadr. Balir al-ahmiya. Ghazir al-fa'ida. Fa'idatuhu at-tamakkun min husul qudrat yastati' biha istikhraj al-ahkam al-shar'iyyati min adillatiha min usus ala usus salima. Donc c'est une science qui a un haut degré, qui est très importante et qui te permet justement de pouvoir extraire les règles shadriya depuis les adillah avec des bons fonds, avec des fondements qui sont sains. C'est pas genre tu t'inventes des choses de ta tête. Wa awwal man jama'ahu kafan mustaqillin al-imam al-Shafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah ta'ala thumma taba'ahu al-ulama fi dhalika fa'alafu fihi at-ta'alif al-mutanawwi'ah ma bayna manthur wa manzum wa mukhtasar wa masbut aw mabsut afwan wa mabsut hatta sara fanna al-mustaqillan lahu wa law kiyanuhu wa mumayyizatuhu. Donc le premier qui a réuni dans ce fun de façon indépendante, c'est-à-dire à part, c'est l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala Muhammad ibn Idris. C'est quoi sa kunya? Ahsant. Les Aïmet al-Arba'a ont tous la même kunya à part un. C'est qui? Abu Hanifa. Non, tout sinon c'est Abu Abdillah. L'imam Ahmed c'est Abu Abdillah. L'imam Malik c'est Abu Abdillah. Ou l'imam Shafi'i Afwan c'est Abu Abdillah. Ensuite, après que l'imam Shafi'i fut le premier, le précurseur dans ce domaine à avoir réuni les choses ensemble dans un même domaine. Dans ce kitab, c'est le kitab Arisala. Arisala. Après, les ulama l'ont suivi en cela. Après, ils ont fait différents ouvrages dans ce domaine. Certains, ils l'ont fait par écrit normal, d'autres l'ont fait par des poésies, d'autres l'ont fait de façon résumée, d'autres l'ont fait de façon plus détaillée et plus longue. À tel point que c'est devenu une science à part, qui a ses propres règles et ses propres points distinctifs. Parce que les ulama dans l'usul nous appellent usuliyoun. Quand on te dit qual al-usuliyoun, il veut dire par quoi par là? Les ulama qui se sont spécialisés dans la science des usul. Et comme on l'a expliqué, c'est une science où faire attention. Elle a été entachée par la science du kalem, la philosophie, de la logique, des choses qui à la base sortent du kitab de la sunna. C'est pour cela que cette science-là, il faut l'apprendre auprès des gens compétents qui sont sur un ménage clair et limpide Par exemple, tu as le livre Al-Warakat, qui est connu, de Al-Juhayni. Et c'est un livre, c'est une référence dans le domaine, mais cet imam a été entaché par, dans sa aqidah, par Ilm Al-Kalam. Donc, faire attention. Cheikh Othaymine, lui, c'est un savant salafi, pur. Donc, son livre est prioritaire et plus simple. Taqi, par exemple, à cette époque, parmi les contemporains qui sont des imams dans la référence dans le domaine, tu as le Cheikh Mohamed El-Amin Shankiti, dans le Usul, très très fort. Et c'était un imam de la Sunna. Donc, ses livres sont des ouvrages références. Et tous les ulama, ils ont leur base là-dedans. Mais certains, comme tu le sais, se sont spécialisés. Certains sont devenus muhaddithin, certains sont devenus usuliyin, certains c'est un peu plus général, et akaza. Naam. Donc là, aujourd'hui, on a appris quoi, la muqaddima, qui est le fait de connaître cette science, à quoi, qu'est-ce qu'elle nous apporte, quel profit on en tire. Qui est le fait de pouvoir comprendre des adillah, les règles à en tirer. Et apprendre à pouvoir le faire de toi-même. Naam. Et le prochain dia sera les ahkam. Inch'Allah ou ta'ala. Elle a dit qu'elle soit elle. Non. Bien d'accord, donc ta fille, on a cool, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.